baissé les yeux, elle en a regardé d'autres qui l'ont regardé. Diane ne m'a pas regardé aujourd'hui. Elle fixait son assiette, qui l'a fixée aussi. Elle n'a pas trop mangé, elle n'a plus d'appétit. Depuis qu'elle est amoureuse de moi, qu'elle est amoureuse de moi, elle est amoureuse. Aujourd'hui, elle n'avait rien à me dire. C'est vrai qu'on ne se connaît pas, mais j'ai vu des mots qui traînaient par là. Diane ne m'a pas embrassé aujourd'hui. Elle m'a dit bonjour de loin, comme si je n'existais pas, comme si tous mes rêves d'elle s'étaient perdus. Elle est amoureuse de moi. Elle est amoureuse de moi. Diane a répondu à mes questions. Elle ne s'est pas trop étendue pour ne pas trop qu'elle s'étende.